Pour beaucoup de personnes, le monde du jeu se résume au Monopoly. Heureusement, ce n'est pas le cas et je vous invite à aller écouter des émissions sur les jeux pour vous en convaincre. Ici, c'est Podcast Science et donc quand on parle de jeu, on parle de jeu de mathématiciens. Nous sommes le 14 avril 2015, épisode 214 et pas 2014 cette semaine. Et 214, c'est justement le nombre de pions qu'il faut pour gagner au Tchoukaillon. Bienvenue! Et c'est pas seulement pour gagner, hein, c'est pour gagner sur un plateau de 26 trous. Ouais. Ben voilà, merci de l'avoir précisé. je pense que ça peut intéresser quand même. Bonsoir à tous et bienvenue donc dans cet épisode 2014 de Podcast Science. Ça nous fait quel âge en épisode 2014, je fais exprès cette fois-ci. Donc épisode 214. On est en comité assez réduit, ça rappelle certaines époques, etc. On n'est qu'à 3. On se demande si tu fais pas fuir tout le monde, Robin. C'est ça, étant d'un naturel parano, je me pose des questions. Donc autour de notre table, on a Robin sans boson. Salut Robin. Salut, enfin elle est pas loin, on va voir. On a Julie, salut Julie. Salut. Qui est toujours au poste, heureusement, je sais pas ce qu'on ferait sans toi. Et puis donc moi-même depuis Paris. Au sommaire de l'émission, donc c'est une émission de type dossier assez classique. On va voir un merveilleux dossier de Robin fait avec amour sur des feuilles de papier qui font du bruit quand on les tourne. Un pitch de la semaine prochaine, la citation, la quote, quelques plugs et puis ce sera tout. Et du coup, je laisse la parole au mystérieux dossier de Robin. Mystérieux, pas mystérieux. L'idée était donc de parler, de raconter tout ce que les matheux peuvent avoir à dire sur le jeu. Alors en fait, c'est très très vaste comme sujet, donc je ne sais pas si je vais réussir à dire tout ce que les matheux ont à dire sur le jeu. Les questions fondamentales qui se posent, c'est est-ce que je peux latter la gueule de mon adversaire à coup sûr ? Et si c'est pas possible de latter la gueule de mon adversaire à coup sûr, est-ce qu'au moins c'est possible de trouver une stratégie qui augmente significativement mes chances de gagner ? Disons qu'en gros, c'est l'essentiel. Et quand c'est un jeu sans adversaire, l'idée c'est est-ce que je peux y arriver le plus rapidement possible, tout ça. Donc t'as plein de questions à se poser sur les jeux. J'ai utilisé le mot de stratégie, c'est quelque chose qui n'est pas toujours complètement évident à comprendre pour tout le monde. Disons qu'une stratégie, c'est une façon de jouer qui est bien définie une bonne fois pour toutes, même si éventuellement elle peut s'adapter à la façon qu'a le joueur adverse de jouer. Mais disons que c'est, je sais exactement, quelle que soit la tournure que peut prendre la partie, avant le début de la partie, je sais comment je réagirai. Donc ça peut être quelque chose de très simple à énoncer, ça peut être quelque chose de très compliqué du style pour chaque situation de jeu, on définit quel sera le coup d'après, mais en tout cas, on a défini avant la partie comment on va jouer. Par exemple, on pourrait imaginer ce qui serait probablement assez absurde, mais assez inefficace, mais par exemple, on pourrait imaginer une stratégie aux échecs qui consisterait à jouer de façon parfaitement symétrique à la façon dont l'adversaire joue, par exemple. Jusqu'à ce que ça soit possible, parce qu'évidemment, si nous mangeons une pièce, ça sera peut-être plus possible, mais voilà. Ça serait une stratégie possible. Alors, on va commencer par les jeux sans hasard, parce qu'a priori, c'est les plus indiqués pour trouver des stratégies simples. Alors, on va commencer d'ailleurs par des jeux tout seul, par des réussites, des solitaires, des jeux qui sont plutôt des casse-têtes a priori, mais qu'on classe généralement dans la catégorie des jeux. Et notamment, par exemple, le Rubik's Cube. Le Rubik's Cube, on sait pas mal de choses dessus, et on a même des résultats relativement récents, donc ça vaut le coup d'en parler. J'en ai déjà vaguement très très rapidement parlé dans le dossier sur les groupes. On sait par exemple au Rubik's Cube que si on prend deux étiquettes et qu'on les échange, le problème devient impossible. Enfin, sauf si les deux étiquettes sont de la même couleur, mais sinon, si on prend deux étiquettes de couleurs différentes et qu'on les change de place, il devient rigoureusement impossible de remettre le Rubik's Cube en place sans enlever à nouveau des étiquettes. C'est la même chose d'ailleurs pour le taquin, donc on sait qu'il y a des mouvements comme ça, qui sont des positions qui sont inatteignables, sauf si on triche, genre on démonte et on remonte. La différence entre le taquin et le Rubik's Cube, c'est que le taquin, si j'inverse deux nombres, ça devient impossible, mais si je réinverse deux nombres à nouveau, ça devient possible. Le Rubik's Cube, c'est plus compliqué que ça, puisqu'en fait, donc le taquin, ça veut dire que si je le démonte et je le remonte, il y a exactement une chance sur deux pour que ce soit faisable. Le Rubik's Cube, il y a en fait 12 catégories de positions. Donc si je le démonte et que je le remonte complètement au hasard, il y a en fait une chance sur 12 seulement pour que ça soit une position que je peux, qui me permette d'arriver à la solution. Alors, on peut dire d'autres choses sur le Rubik's Cube. On sait, par exemple, alors ça, c'est quelque chose qui a été trouvé il n'y a pas si longtemps que ça, grâce à la puissance de calcul d'ordinateur, grâce à des belles modélisations de quels sont les mouvements possibles au Rubik's Cube, quelles sont les séries de mouvements qui font, qui ont tels et tels effets. On est capable aujourd'hui, pour n'importe quelle position du Rubik's Cube donnée, de donner la liste des mouvements qui vont le remettre en position de départ avec le moins de mouvements possibles. Alors évidemment, ces mouvements-là, ça ne va pas être les mouvements et les méthodes qu'on va trouver dans les bouquins. Il y a des caisses et des caisses de bouquins qui existent sur comment résoudre le Rubik's Cube, où on vous explique qu'il faut, par exemple, commencer par faire des croix sur chacune des faces avec les bonnes couleurs, et puis après, seulement, on s'occupe des coins, ou alors il y a plusieurs méthodes, ou alors on fait une face complète, et puis après, on va remonter, etc. Mais ça, c'est des méthodes, disons, qui sont prévues pour des êtres humains, où du coup, ça fait un peu sens, on sait un peu dans quel ordre on fait les choses. Un ordinateur, il s'en fiche complètement de comprendre comment il fait les choses. Donc on peut essayer de trouver juste le moins de mouvements possible pour le mettre en place. Et ça, c'est quelque chose qui va, a priori, être beaucoup plus compliqué à trouver pour un être humain, parce que c'est pas du tout intuitif, c'est pas du tout construit de façon logique. De façon, oui, il n'y a pas d'intuition, c'est vraiment de la logique pure, justement. Et alors, ces algorithmes-là, ce qui est assez rigolo, c'est que on a pu les implanter à des robots. Donc, je ne sais pas si vous avez tous déjà vu ça ou pas, mais maintenant, le grand jeu concours, c'est de faire des robots qui vont réussir à résoudre le Rubik's Cube le plus vite possible. Donc, le robot commence par filmer toutes les faces du cube, et après, il y a des bras mécaniques qui permettent de le résoudre en un temps très court finalement maintenant, je ne sais plus exactement à combien on en est, mais c'est très rapide. Voilà, alors qu'est-ce qui reste encore à trouver si on sait pour n'importe quelle position le remettre en place avec le moins de mouvements possible, ça donne l'impression que c'est un peu fini. Mais en fait, pas complètement, il y a un truc qui a été trouvé il y a seulement 5 ans, c'est quelle est la situation la pire possible. En gros, je prends un Rubik's Cube mélangé au pif, quel est le nombre de mouvements minimum pour lequel, quelle que soit la position du cube qu'on me donne, ce nombre de mouvements suffira à le remettre en place. Alors on pourrait penser que comme on a des algorithmes qui permettent de trouver le nombre de mouvements minimum pour n'importe quelle position, ben c'est simple, il suffit d'essayer pour toutes les positions possibles, et comme ça on saura quel est le nombre de mouvements au pire, dans le pire des cas. En fait, si on essaye de faire ça, on va pas y arriver, parce qu'il y a approximativement 4 × 10^19, donc un 4 suivi de 19 0, position possible. Et donc si on veut en fait tester pour chacune de ces positions, appliquer l'algorithme qui permet de trouver la solution en un nombre minimum de coups, et regarder après quel est le pire, et ben en fait, en étant très très très optimiste, en imaginant que pour chaque position on a besoin que d'une seconde pour trouver la série de mouvements la plus courte possible, il faudrait plus de 1300 ans en utilisant tous les ordinateurs de la Terre pour tout tester. Donc c'est un peu trop long, donc on ne peut pas y arriver comme ça. Il y a une autre idée qui est un peu plus astucieuse, qui est de dire on part de la solution, on part des faces toutes bien coloriées, on fait un mouvement, on fait tous les mouvements possibles. Donc un mouvement, c'est je prends une tranche et soit je la fais tourner d'un quart de tour, soit je la fais tourner d'un demi-tour. Et donc ça, c'est un mouvement. Et donc je regarde toutes les positions que je peux atteindre en faisant un mouvement. Ensuite, je fais un deuxième mouvement à partir de toutes ces positions-là. Évidemment, je vais tomber sur la position de départ. Quand je vais faire un quart de tour et encore un quart de tour avec la même tranche, je vais tomber sur un demi-tour que j'avais déjà atteint avec un mouvement. Donc en fait, je ne vais garder que les positions que j'avais pas atteintes déjà en un seul mouvement. Et donc ça me fait une liste de toutes les positions que je peux atteindre en deux mouvements. Et ainsi de suite, je continue à chaque fois que je rajoute un mouvement et je vais compter, je vais faire la liste de toutes les positions que je n'avais pas encore atteintes avec moins de mouvements. Et donc l'idée, c'est de dire, au bout d'un moment, je vais me rendre compte que quand je fais un mouvement de plus, ça ne me rajoute absolument aucune nouvelle position, et donc je saurai que j'ai atteint les positions les plus éloignées de la solution, et je vais voir combien il faut de mouvements pour y arriver. Donc normalement, ça me donne la réponse à mon problème. Le problème, là, pour le coup, c'est pas un problème de temps de calcul, c'est un problème de place. C'est-à-dire que les listes de solutions, là, vont prendre beaucoup trop de place dans les ordinateurs. Là encore, je ne me souviens plus exactement, mais il faudrait probablement 10 fois ou 15 fois le stockage de tous les ordinateurs du monde. Enfin, c'est pas raisonnable non plus. Donc c'est quand même plus ou moins avec cette méthode-là, si j'ai bien compris, qu'on a trouvé une réponse à la question, mais on l'a améliorée, on a fait mieux que ça parce que ça marchait pas ça brutalement. Et même en améliorant l'idée, il fallait encore beaucoup beaucoup de calculs, et donc il y a pendant plusieurs semaines tout un paquet d'ordinateurs prêtés par Google qu'on calculait sur ce problème-là. Et donc la réponse est tombée, c'est en 20 mouvements. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de position du Rubik's Cube qui nécessite plus de 20 mouvements pour être résolu. Le fameux nombre de Dieu. Voilà, il y en a qui appellent ça le nombre de Dieu. Je trouve ça pourri d'appeler ça comme ça. Donc C'est bien pour ça que je le précise. voilà, je déteste ce genre d'appellation. Voilà. Il y a plein de jeux pour lesquels ils parlent de ça m'énerve. Mais voilà, donc c'est voilà, au pire 20 mouvements. Et donc LJ a posté, pour ceux que ça intéresse, qui veulent aller regarder, une position très connue depuis longtemps où on savait qu'on pouvait pas y arriver avec moins de 20 mouvements, mais on savait pas si c'était ce qu'on pouvait faire de mieux. Donc la conclusion, c'est que, eh ben, si pour résoudre le Rubik's Cube, il vous faut plus de 20 mouvements, vous êtes un gros naze. Voilà. De rien, ça me fait plaisir. Moi, de toute façon, j'ai jamais essayé de le résoudre, donc comme ça, je suis tranquille. Voilà. Alors oui, tiens, je voulais vous parler aussi d'un autre jeu qui se fait tout seul aussi. C'est le solitaire, le truc où, alors je vais essayer de le décrire. Je pense que tout le monde a déjà vu ça. C'est pareil, c'est le genre de jeu qui traîne dans un coin, qui prennent la poussière. On essaye de le résoudre une fois, on n'y arrive pas, c'est énervant et puis généralement on n'y réfléchit plus. On a une forme de croix avec des petites cases et puis un pion dans chaque case, sauf dans la case qui se trouve au milieu. Tout au milieu de la croix. Et en fait, la règle du jeu, c'est on prend un pion, on saute par-dessus celui qui est à côté quand la case derrière est libre, et ça enlève le pion qu'on vient de sauter. Et le but, c'est de faire en sorte qu'à la fin, il ne nous reste plus qu'un seul pion. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Ça va? Vous voyez de quel jeu il est question? Tout à fait, tout à fait. Ouais, le plus dur, c'est pas tant de faire qu'il reste qu'un pion, c'est de faire que ce dernier pion reste au milieu, quoi. Alors justement, tiens, alors c'est parfait, tu me fais une transition parfaite. En fait, non. En fait, si tu y arrives, forcément tu termines au milieu. Ah d'accord. Ou alors c'est que tu le fais exprès pour le Ah dernier donc je dois mouvement. avoir un mauvais souvenir parce que je croyais me souvenir avoir déjà fini mais pas au milieu mais il devait m'en Peux rester finir, deux, en je me fait. suis dit c'est pas si mal. Non, en fait, tu peux finir ailleurs qu'au milieu, mais si tu finis ailleurs qu'au milieu, c'est que tu le fais exprès au moment du dernier mouvement. Et d'accord, donc c'est pas au milieu mais c'est les quatre cases qui sont l'équivalent du milieu au Voilà, dernier mouvement près. exactement. Voilà. Donc en gros, tu termines au milieu, quoi. Si tu termines, tu termines au milieu. En tout cas, tant que j'ai la parole, j'en profite. Tu nous avais dit la semaine dernière que tu avais parlé de jeux vraiment amusants. Entre le solitaire et le Rubik's Cube, on est pas mal là. J'ai dit ça, moi? Non, j'aurais pas fait de la publicité mensongère comme ça. Non, ce que je trouve amusant avec celui-là, c'est justement comment on arrive à savoir que c'est bien la seule case possible, c'est la case du milieu, en fait. Enfin, la seule case sur laquelle on peut terminer. Et il y a une façon très, très jolie, justement, de trouver ça. Alors, attention, là, je préviens que c'est relativement improvisé, mais pas complètement. C'est un truc dont j'ai entendu parler il y a très peu de temps et pas très bien expliqué. Donc, j'ai trouvé une explication qui me va dans le métro en rentrant. Donc là, ce Donc, qui est important, c'est que d'habitude, les podcasts de Robin sont bordéliques. Là, il vous prévient que ça va être bordélique. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, ça va être à peu près clair, j'espère. En fait, l'idée, c'est que on peut colorier les cases de la croix là en trois couleurs. On va faire en sorte que les cases. En fait, on va faire en sorte que quand on fait un mouvement, donc je prends un pion, je saute par-dessus un pion voisin et j'arrive dans une case vide, les trois cases concernées, on veut qu'elles soient de trois couleurs différentes. Et donc, en fait. Donc on va pas appeler ça des couleurs, on va dire que c'est ABC parce que c'est plus simple. Donc en gros, si je prends un pion qui est sur une case A, soit je saute un pion qui est sur une case B pour arriver sur une case C, soit je saute un pion qui est sur une case C pour arriver sur une case B. Et donc en fait, le truc, c'est que quand je prends un pion qui est sur une case A, je vais sur une case, par exemple C, ça veut dire qu'après le mouvement, je vais avoir libéré une case A et une case B, et je vais avoir bouché une case C qui était libre avant. Ça va ça? Chaque mouvement, en fait, concerne trois cases. Il y en a une qui doit être libre pour que le pion puisse arriver. Et comme le pion part d'une case, il la libère. Et comme on enlève le pion qui saute, on libère deux cases et on en bouche une. Et donc le truc, c'est de dire, comme à chaque fois, avec le coloriage qu'on a fait, les trois cases concernées sont de trois couleurs différentes, ça veut dire que quand il y avait une case libre d'une certaine couleur, après le mouvement, cette case-là est pleine, mais on a comme équivalence deux cases des autres couleurs. Donc une case A vide, c'est équivalent à deux cases vides B, C après le mouvement. une case B vide, c'est l'équivalent à deux cases vides assez après le mouvement, etc. Donc quand on a assez, c'est équivalent à assez vide, c'est équivalent à B vide. Parce que tous les mouvements qu'on peut faire font que ces choses-là sont égales, restent les mêmes après mouvement. Et donc en fait, le truc, c'est que quand on regarde le nombre de A, de B, de C qu'il y a quand on colorie toute la croix, mais il se trouve qu'il y a une couleur qui a une case de moins que les autres. Et c'est la case qui est vide au début. Et donc en fait, ça veut dire que quand on imagine tout le quadrillage vide à la fin, on peut remonter le temps en disant, dès que j'ai une case A et une case B vide, hop, je les transforme en une case C vide. Une case C, une case A vide, hop, je les transforme en une case B vide, etc., etc. Et donc on va avoir de moins en moins de cases vides. Et quand on fait ça, comme il y a une case, donc mettons C par exemple, qui est en moins que les autres, quand on aura associé toutes les cases qu'on peut associer entre elles, réassocier, on se retrouvera avec une seule lettre qui sera nécessairement celle qui est minoritaire. Et donc on est forcément obligé de terminer sur une case qui est colorée de cette couleur-là, et c'est la case qui est au centre, plus les quatre cases qui sont dans la croix équivalente. Donc on sait dès le début que pour terminer, on va forcément terminer sur une de ces cases-là. Bon, on vient d'avoir toute la chatroom qui s'est fait passer de l'aspirine. D'accord. Tu as fait l'explication la plus compliquée à l'audio, ouais. Mais heureusement, tout ça va être illustré dans ton dossier, hein, Robin. Ouais, voilà, c'est ça, on va faire ça. Bon, je suis désolé, non mais vous voulez en parler parce que j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé que c'était joli, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Non, par contre, bon, en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que comme souvent en maths, on dit des trucs, genre on sait qu'on ne peut pas faire autrement, mais par contre, on ne dit absolument pas comment il faut faire pour résoudre le problème. C'est un grand classique. Ouais, et quelques petits trucs. D'abord, je pense que c'est encore plus compliqué quand on ne voit pas très bien quel est le jeu. Oui, c'est bah, le cas ouais. D'une partie de la chatroom. Ah, ouais, donc n'hésitez pas à regarder, c'est un jeu qui est vraiment tout bête. J'ai pas très dit connu, amusant. Vous l'avez sûrement déjà tout vu. Bête. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce que c'est. Et ensuite, par contre, ce qui fait que Robin est tout excité par cette solution, c'est qu'en fait, il y a pas mal de choses qui se démontrent en mathématiques en faisant des colorisations intelligentes des problèmes. Et donc, c'est ça sans doute que tu as trouvé assez rigolo, quoi. Ouais, non, mais ce que je trouve rigolo, c'est de dire j'ai aucune idée de comment on le fait, mais je suis capable de vous dire que si on y arrive, on termine là, quoi. Le principal est là, t'as titillé LGJ, donc. Bon, mais c'est l'essentiel. il fera une note dessus. Bon. Mais on va passer à des vrais jeux à deux joueurs. À deux joueurs. La bataille, c'est un jeu à deux joueurs. Ah, voilà. La bataille, alors par exemple, la bataille a relativement peu d'intérêt. La bataille, je ah oui, ne pas oh, de la... Passons au Monopoly direct. Non, alors le Monopoly, encore une fois, bref, on va essayer de faire les choses dans l'ordre dans lequel j'avais prévu. Désolé. Déjà que c'est le bordel. Mais le Monopoly, j'en reparle, j'ai prévu de dire juste un mot. Donc, on va commencer par des jeux, alors c'est des jeux, les jeux sérieux, disons, hein, les jeux à deux joueurs, les jeux où on se prend la tête, à des joueurs où il n'y a pas de hasard et où on connaît toute l'information. Alors ça, c'est un truc, on voit tout ce qui se passe. Ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que, par exemple, on ne va pas parler de la bataille navale. La bataille navale, d'une certaine manière, on peut dire qu'il n'y a pas de hasard, puisque une fois qu'on commence la partie, les bateaux sont posés, et puis tout est défini. Donc la bataille navale, d'une certaine manière, il n'y a pas de hasard, mais on peut dire qu'il y a une forme de hasard, dans le sens où on ne sait pas du tout ce que l'autre a fait, et que donc il y a une part de hasard forcément dans la façon qu'on a de jouer. On peut chercher, cela dit, je suis déjà tombé sur... Et puis sur... qu'on n'a aucun indice, en plus. On n'a aucun indice, si ce n'est que si, parce qu'il y a un certain nombre de règles à respecter. Bon, la bataille navale est un jeu qui a quand même très peu d'intérêt, mais malgré tout, il y a... Non, mais ce qui est génial, en fait, quand on commence à réfléchir au... Quand on commence à réfléchir au jeu avec l'œil du matheux, on s'en fout complètement de l'intérêt du jeu. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que le jeu est intéressant à étudier, quoi. C'est-à-dire que, est-ce qu'on trouve... C'est pour ça que j'ai parlé du solitaire. Est-ce qu'on trouve des choses intéressantes à raconter dessus? Et en fait, ce qui est assez marrant, d'ailleurs, c'est que même les mathématiciens sont capables d'inventer des jeux pour lesquels, dont l'étude est intéressante. C'est-à-dire que c'est pas forcément marrant d'y jouer, mais c'est super intéressant à étudier. Donc ça rend vraiment pervers d'étudier les maths d'un point de vue matheux. Très bien. Bon, on t'écoute alors sur un autre jeu à deux joueurs. Voilà. Mais la bataille navale, non, mais juste quand même, il y a effectivement des façons de faire, parce qu'on sait combien il y a de bateaux, de quelle taille, etc. Et on sait qu'ils n'ont pas le droit d'être collés, comme ci, comme ça, machin. Donc je sais que j'avais déjà vu passer un truc, mais ça fait très longtemps, j'avais pas prévu d'en parler, mais où effectivement, on peut quand même optimiser les essais du début, quoi. Bien, alors juste, je commence par une observation que normalement tout le monde s'est fait. C'est n'importe qui a beaucoup joué au Morpion. Donc le morpion, là, quand même, j'espère que vraiment tout le monde connaît. le morpion, normalement, tout le monde a remarqué que ce jeu, très rapidement, si on y joue trop, n'a absolument aucun intérêt, c'est-à-dire qu'on termine toujours sur des parties nulles. Sauf si on joue sur, contre quelqu'un qui, lui, n'a pas l'habitude de jouer et que, du coup, on lui latte la gueule parce qu'on a plus l'habitude. Mais quand on joue face à quelqu'un qui a aussi l'habitude de jouer, on fait des matchs nuls. Et c'est quand même complètement nul. Alors, il y a une grosse question, c'est est-ce que c'est irrémédiable? Est-ce que c'est parce qu'on s'y prend mal ou est-ce que il y aurait une solution, en fait, mais c'est juste on réfléchit pas assez bien. Alors, ce qui est bien, c'est que le Morpion, ça reste un jeu qui est relativement petit. Et donc, on peut imaginer, si vraiment on a que ça à faire de notre journée, faire essayer de faire toutes les parties possibles de Morpion. Et puis bah là, alors ça va être long, ça va être pénible. Le truc qui est bien, c'est que maintenant on a des ordinateurs hein, pour les trucs longs et moches, pénibles, tout ça. On peut faire la liste de toutes les parties possibles. Et puis du coup, on regarde, quand à la fin d'une partie, il y a l'un des deux joueurs qui perd, on peut remonter dans cette partie-là et regarder si à un moment, il aurait pu faire un autre choix qui faisait qu'on arrivait à un match nul. Et dans ce cas-là, si c'est bien le cas, bah ça veut dire qu'à un moment, il a super mal joué et que donc c'est bien fait pour sa gueule s'il a perdu. Et que donc, en fait, il aurait pu arriver à un match nul. Donc, c'est juste parce qu'il a mal joué. Et à en ce fait, propos, il existe un livre du Morpion. Ah ouais ? C'est-à-dire un livre qui joue contre toi. Un livre ? Ouais. il te dit, tu veux jouer dans cette case, va telle page. Ah d'accord, c'est un livre dont tu es voilà. Le héros et qui joue au Morpion. Qui systématiquement gagne ou fait match nul contre toi. D'accord, génial. Oh là là, c'est génial, je le veux. Et d'accord, formidable. Et donc en fait, bah, la question c'est que si toi tu joues comme il faut, et ben très clairement, ça fait que des matchs nuls. Et donc ça peut se démontrer vraiment, comme je viens de l'expliquer, de façon complètement barbare et brutasse, vu que c'est un petit jeu. Mais disons que ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, quoi. C'est pénible à faire. Mais bon, voilà, des gens l'ont fait pour vous, et faites confiance, on termine toujours par des matchs nuls. Donc normalement maintenant plus personne n'a envie de jouer au Morpion. Bon, cela dit, je sais pas si on a encore beaucoup qui y jouaient, mais voilà. Alors là encore, je vous dis pas comment on fait par contre. Hein. Donc c'est juste pour que vous ayez la conscience que si vous perdez, c'est que vous êtes nul. Voilà, c'est encore un cadeau. Alors je suis obligé de parler de ce jeu-là pour parler des jeux sans hasard à deux joueurs, machin, tout ça. Je suis obligé de parler d'un jeu absolument nul, mais qui fait comprendre l'essentiel de ce qu'on a raconté là-dessus, c'est le fameux jeu des allumettes. Donc c'est, alors spécial dédicace à Fort Boyard que je n'ai, je crois, absolument jamais vu, mais dont tous les maths parlent à cause de ce jeu. Donc, alors, je crois que normalement à peu près tout le monde connaît ce jeu. Je rappelle quand même la règle pour ceux qui n'auraient jamais vu Fort Boyard, j'en fais partie, donc ils ont le droit aussi. Donc il y a deux joueurs qui s'affrontent, et il y a un certain nombre d'allumettes posées en ligne, et chacun son tour enlève une, deux ou trois allumettes, et le but est de ne pas prendre la dernière allumette. Celui qui prend la dernière allumette a perdu. Et donc assez rapidement, quand on joue, bah, on se rend compte que, bah oui, avant la fin des allumettes, avant la fin de la partie, on se rend compte que déjà on a perdu, on a gagné. Par exemple, c'est très très clair que s'il reste 2, 3 ou 4 allumettes, la personne qui doit jouer, à moins d'être complètement bourré, va gagner. Il suffit d'enlever une, deux ou trois allumettes, il reste une allumette et l'autre est obligé de la prendre. Donc c'est clair que quand il reste 2, 3 ou 4 allumettes, la personne qui joue a gagné, donc on va appeler ça des positions gagnantes. À l'inverse, s'il reste 5 allumettes, bah, la personne qui doit jouer, si elle enlève une allumette, elle en laisse 4, c'est une position gagnante, donc elle a perdu. Si elle enlève 2 allumettes, il reste 3 allumettes, c'est une position gagnante, donc elle a perdu. Et si elle enlève 3 allumettes, il reste 2 allumettes, donc elle a perdu. Donc 5 allumettes, à l'inverse, est une position perdante, puisque forcément, quel que soit le coup qu'on joue, on va laisser une position gagnante, donc on perd. Donc 5 allumettes, c'est une position perdante. Et du coup, évidemment, si on est à 6 allumettes, une fois qu'on sait ça, et ben on va pas être débile, et quand il reste 6 allumettes, on enlève une allumette, on sait que l'autre est dans une position perdante, donc on sait que l'autre va perdre, et que donc nous on va gagner si on joue comme il faut. 7 allumettes, j'enlève 2 allumettes, j'en laisse 5 et je sais que je gagne. 8 allumettes, j'en enlève 3, j'en laisse 5 et je sais que je gagne. Et 9 allumettes, et ben à nouveau, comme on peut pas enlever 4 allumettes d'un coup pour en laisser 5, on est obligé de perdre, puisque si j'en enlève une, l'autre en enlève 3, si j'en enlève 2, l'autre en enlève 2, si j'en enlève 3, l'autre en enlève 1, à nous deux on en enlèvera 4. Et donc il en restera 5, et on sait que c'est une position perdante, etc., etc. Et donc en fait, ce jeu, une fois qu'on a compris ça, c'est vraiment pourri. C'est curieux d'appeler ça un jeu. C'est-à-dire qu'en fait, si on commence le jeu avec 1, 5, 9, 13, 17, 21 allumettes, donc on compte de 4 en 4 comme ça, Si le deuxième joueur joue correctement, il est complètement assuré de gagner, puisque il a pour ça une stratégie. Je parlais de stratégie, il a une stratégie très très simple à appliquer, c'est de faire en sorte que, une fois que l'autre joueur a joué et lui a joué, il y a eu en tout 4 allumettes d'enlevées. Donc si on démarre avec 21 allumettes, le premier joueur enlève ce qu'il veut, le deuxième fait en sorte que la somme des deux de ce qui a été enlevé fasse 4 allumettes, et donc on passe directement à 17 allumettes, et puis après encore un tour de jeu, on passera à 13, puis à 9, puis à 5, puis à 1, et donc le premier joueur aura bien effectivement perdu. Donc j'espère maintenant que si c'était pas déjà fait, plus personne ne regardera Fort Boyard, et sinon, si vous voulez encore que Fort Boyard existe, j'espère que vous me soutiendrez dans ma lutte. Mon objectif est de faire en sorte qu'on remplace cette épreuve complètement stupide par un pile ou face, puisque finalement, tout ce qui compte, c'est de savoir qui commence. Donc autant ne pas s'embêter à jouer et commencer direct et gagner du temps. Là, le truc, pourquoi ce jeu est quand même intéressant à étudier, à comprendre, c'est parce que on commence à comprendre, enfin à entrevoir le fameux résultat. Alors, ce qui est marrant avec ce résultat, c'est qu'il y a des gens, on leur dit et ils disent bah oui, c'est évident, et d'autres, on leur explique pendant 3 heures et ils comprennent pas. Donc j'en parle quand même, parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant et que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Le fameux résultat qui concerne tous ces jeux-là, des jeux à deux joueurs sans hasard où rien n'est caché, c'est qu'en fait, pour n'importe quel jeu, tout est joué avant même que la partie ne commence. C'est-à-dire, il suffit de savoir qui commence pour savoir qui va gagner. Donc, dans le cas des allumettes dont je viens de parler, la stratégie, en plus, elle est super simple, donc c'est assez clair. En fait, il y a une notion pour ce jeu, et puis pour toute une famille de jeux qu'on appelle les jeux de Nîmes, que je trouve assez joli, que je trouve assez sympa, qui est la notion de noyau, le noyau du jeu. Le noyau du jeu, c'est toutes les positions de jeu. Donc les positions du jeu, là en l'occurrence, c'est un nombre d'allumettes qui reste. Sinon, les positions du jeu, c'est une grille qui commence à être remplie au morpion, ou une position des pièces aux échecs, ou un truc comme ça. Et donc le noyau du jeu, ça va être un ensemble de positions qui respectent deux propriétés. Si on est dans une position qui est dans le noyau, quoi qu'on joue, on sort du noyau. Et si on est dans une position du jeu qui est à l'extérieur du noyau, on peut toujours trouver un coup qui permette de trouver une position, de se retrouver dans une position qui est dans le noyau. Alors, j'essaie de le réexpliquer là avec les allumettes. Les positions qui sont dans le noyau, c'est les positions perdantes. C'est les positions avec 1, 5, 9, 13, 17 allumettes. Quoi que vous fassiez quand vous avez ce nombre d'allumettes, vous allez arriver avec un nombre d'allumettes qui ne fait pas partie de cette liste-là. Donc, vous allez sortir du noyau. Et quelle que soit la position, le nombre d'allumettes qui n'est pas dans cette liste-là, 1, 5, 9, 13, 17, etc., vous avez toujours moyen de vous y ramener, puisque vous êtes à une distance de moins de 3 allumettes d'une des positions qui est dans le noyau, d'un nombre d'allumettes qui est dans le noyau. J'espère que c'est clair. Ouais. Et donc voilà. Et donc en fait, pour tous ces jeux de ce qu'on appelle les jeux de Nîmes, qui sont donc des jeux particulièrement, a priori plus simples quand même que d'autres, qui font partie de ces jeux-là, on peut toujours trouver un noyau. Alors c'est pas toujours facile à trouver. Je donne un exemple d'un autre jeu pour lequel c'est très simple en fait. C'est assez rigolo ce jeu parce que quand on y joue au début, c'est pas forcément évident. Et puis en fait, on pense à cette notion de noyau et ça devient complètement évident. C'est un jeu très connu aussi qui s'appelle le jeu de la tablette de chocolat. En fait, on part avec une tablette de chocolat et le carré en bas à gauche est empoisonné, faut pas le bouffer. Et chaque joueur à tour de rôle enlève le nombre de colonnes qu'il veut ou le nombre de lignes qu'il veut. Étant entendu que s'il reste qu'une seule ligne, par exemple, on peut manger toutes les colonnes sauf une. C'est-à-dire que du coup, on peut manger toute la ligne sauf celui qui est empoisonné. Des colonnes de un carreau, ça reste des colonnes. Donc, tour de rôle, on va jouer. Le but, c'est de ne pas prendre le dernier carreau. Et alors, on peut avoir l'impression que c'est compliqué de trouver la stratégie gagnante, comment on fait pour gagner à ce machin-là. Et quand on a la notion de noyau en tête, en fait, c'est super simple. Si on pense que la tablette, elle peut être carrée, c'est-à-dire avoir autant de lignes que de colonnes, on se rend compte tout de suite que c'est un noyau, ça. C'est-à-dire que si j'ai une tablette carrée, quoi que je fasse, vu que j'ai le droit d'enlever que des lignes ou que des colonnes, ce que je vais rendre ne va pas être un carré. Quoi que j'ai comme position, comme état de la tablette qui n'est pas un carré, je peux évidemment rendre un carré. En m'arrangeant, en enlevant le nombre de lignes ou de colonnes qu'il faut pour que, dans le résultat, il y ait autant de lignes que de colonnes. Et donc ça veut dire que, en fait, j'ai une stratégie très simple là-dedans, qui va consister à chaque fois, on me renvoie alors si on part d'un carré, le premier joueur va avoir perdu, parce qu'il est obligé d'en renvoyer un truc qui n'est pas un carré, et le deuxième joueur peut lui renvoyer un carré, autant de lignes que de colonnes. Et donc à chaque fois, le premier joueur est obligé de sortir du carré, et de casser le carré, et le deuxième peut lui renvoyer un carré, on lui renvoie un truc et pas un carré, il renvoie un carré, et puis bah, le plus petit des carrés possible c'est 1, donc c'est, on est sûr, on n'a pas besoin de réfléchir plus que ça, on est sûr que quand on joue et qu'on a un carré, on va perdre. Oui. Si on, voilà. Et là, la notion de noyau, elle est hyper aidante pour comprendre tout de suite que ça va marcher, quoi. Entre-temps, dans la chatroom, on a eu un commentaire d'LGG sur le jeu des bâtonnets. Il existe, ouais. Depuis, il existe plus depuis 2003 à Fort Boyard, pour info. Parce il que t'a probablement... entendu. Mais, il t'a entendu, ouais. Ouais, bah, les gens devaient trop connaître les trucs, quoi. Ça devait plus fonctionner parce que tout le monde devait être au courant que c'était trop facile. Donc voilà, alors sinon... Pour 2013, les... 2013, pas 2003. Ah, 2013, donc ça fait pas si longtemps que ça. Hein. J'ai un problème avec les années en ce moment, je sais pas quel est le problème, mais... Donc voilà, donc c'est... alors il y a un autre jeu qui est connu, alors pour les connaisseurs, pour les cinéphiles, c'est le jeu de Marianne Bad, tiré du film l'année dernière à Marianne Bad. C'est un peu le même genre de jeu que les allumettes, sauf que les allumettes sont sur plusieurs lignes. Donc en fait, on a une ligne avec une allumette, la deuxième ligne avec trois allumettes, celle d'après avec cinq allumettes, celle d'après avec sept allumettes, et on a le droit d'enlever le nombre d'allumettes qu'on veut, mais sur une seule ligne à la fois. Et encore une fois, le but est de ne pas prendre la dernière allumette. Et en fait, ça, y a, alors j'avais fait ça moi en prépa, quand j'étais jeune et beau, tout ça, je m'en rappelle encore. Y a une stratégie à suivre qui en fait est vachement plus compliquée, mais là encore, on retrouve la notion de noyau. Mais là, je ne vais pas en parler parce que déjà que je vous ai perdu avec le solitaire, on ne va pas non plus s'énerver. Et puis, alors, j'aimerais donner encore un autre exemple parce que pour le coup, je trouve que c'est vraiment un très très bel exemple de jeu. Alors, évidemment, c'est un jeu, personne n'y jouera jamais, hein, mais c'est un jeu assez rigolo à imaginer. Là encore, c'est joli, on s'en fout. si on joue à un jeu, on a une table ronde, pleine. Et on a tout un tas de pièces de 50 centimes à côté de nous. Et on joue à deux. Et à tour de rôle, on pose une pièce n'importe où on veut, sur la table. Et on n'a juste pas le droit de la poser, elle n'a pas le droit de chevaucher une autre pièce. Le premier qui ne peut plus poser de pièce a perdu. Le premier pour lequel il n'y a plus de place, plus assez de place pour poser une pièce, a perdu. Et donc là, ce jeu-là, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a l'impression que bah, y a une infinité de coups possibles, il y a une infinité de parties possibles, on va jamais s'en sortir, ça va être beaucoup trop compliqué. Et en fait, y a une idée toute bête qui permet de dire que oui, bien sûr, le premier joueur va gagner. Alors, à la limite, j'aurais tendance à inciter les gens qui ont envie de réfléchir au problème à ne pas écouter les 30 prochaines secondes, juste pour le plaisir de trouver tout seul, parce que c'est vraiment très très beau. S'il ne reste plus que les gens qui s'en foutent et qui veulent pas chercher, j'explique comment on fait pour être sûr de gagner. On commence, on met une pièce au milieu de la table, et après on joue toujours en symétrique de l'adversaire. On est absolument certain qu'on aura toujours une place en symétrique de l'adversaire. Et donc du coup on est absolument certain que c'est lui, quelle que soit la façon qu'il a de jouer, qui va être le premier à être coincé. Ah ouais, c'est sacrément beau ça. C'est hyper beau. Enfin, moi, je trouve donc, ça très, très... Juste pour bien comprendre, on est sûr qu'il y aura toujours une place au symétrique de l'adversaire, parce que s'il n'y avait pas de place, ça veut dire qu'on aurait déjà joué au symétrique équivalent. Exactement. Quoi. Exactement. Incroyable. Je vais arnaquer beau, hein. Un paquet de gens avec ce jeu. Il est super classe, ce jeu, je trouve. Donc voilà, donc là, j'espère vous avoir convaincu que même des jeux qui ne sont pas des vrais jeux, auxquels on n'a pas envie de jouer, ça donne des trucs tellement beaux que c'est cool, quoi. Et les mathématiciens se sont intéressés un peu aux jeux auxquels les gens ont envie de jouer ou pas? Alors voilà, alors on y va doucement. Parce que là, bon, ce que je raconte, ça donne l'impression que c'est que pour des jeux qui n'existent pas vraiment, pour des jeux qui sont des jeux complètement pourris, juste pour des émissions de télé, enfin des trucs pourris quoi. Mais en fait, ce que j'ai dit comme résultat, ça s'applique vraiment à n'importe quel jeu à deux joueurs sans hasard. Et sans information cachée. Et donc là, quand on pense à tous les jeux qui vérifient ça, ça donne un peu le vertige, c'est-à-dire que tous les jeux qui ont l'air très sérieux, nobles, avec toute une histoire, machin, avec des grands joueurs, machin, et ben en fait, non, c'est tout pourri, c'est exactement la même chose que ce que je viens de raconter. On est absolument certain que dès le début du jeu, il y en a un des deux qui a une stratégie gagnante. Et que dès le début de la partie, en fait, tout est plié. Donc on peut faire une petite liste, vite fait, vous pouvez même rajouter des idées si vous en avez, mais les échecs, le jeu de Go, les dames, le puissance 4, qu'est-ce que j'oublie d'autre, la Wallée, voilà, tous ces jeux-là qu'on a en tête, auxquels on a joué pendant des heures en essayant de réfléchir, en se disant « Ah là là, c'est compliqué, mais peut-être je peux retourner la partie, machin et tout », ben en fait, non. En fait, dès le début de la partie, c'est plié. Bon, évidemment, ça n'est vrai que si on est face à un joueur parfait ou si nous, et si nous-mêmes on est un joueur parfait, ce qui est pas complètement le cas, mais c'est quand même assez dingue de penser ça, quoi. Alors, il y a juste histoire de si tout le monde n'est pas convaincu de ce résultat-là, j'essaye d'expliquer comment on peut s'en convaincre, comment on peut le démontrer. Alors, attention, c'est la deuxième partie, un poil compliquée, mais je pense qu'elle n'est pas si compliquée que ça, mais elle est quand même compliquée. Concentrez-vous, attention, j'y vais doucement. On prend un jeu comme ça, par exemple les échecs, le go, n'importe quoi. Et on va faire ce que je proposais de faire tout à l'heure avec le morpion, on fait un arbre, on fait un truc avec toutes les parties possibles. C'est-à-dire que donc je prends le plateau de jeu au début, dans la position initiale, et je fais tous les premiers coups possibles. Je vais pas le faire pour de vrai, on s'en fout, on est en maths, on le fait juste dans notre tête et on est content avec ça. Ensuite, je prends tous ces états du jeu-là et je fais une liste de tous les deuxièmes coups possibles. Je repars de tous ces plateaux possibles, tous ces états de jeu possibles, et je refais tous les troisièmes coups possibles, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je fais un arbre comme ça qui va donc être gigantesque pour ces jeux-là qui ont plein de possibilités à chaque fois, mais que je peux très bien imaginer théoriquement être fait. Il tiendra dans aucun ordinateur, mais on s'en fout, on imagine juste qu'il est fait. Et évidemment, on s'arrête quand on arrive à un état du jeu qui est la victoire du premier joueur ou la victoire du deuxième joueur. Et parce que là, on peut plus continuer la partie. Et bah, il y a un jour où tout va s'arrêter. L'arbre va être complètement fini, va être complètement dessiné, et on va avoir des endroits où c'est fini. Soit c'est le joueur A qui a gagné, soit c'est le joueur B qui a gagné. Et alors c'est là qu'il y a le truc essentiel à comprendre, c'est je prends un avant-dernier état du plateau, du jeu. Pas un dernier état, un avant-dernier état. Et je regarde tous les états suivants. Dans les états suivants, soit c'est A qui a gagné, soit c'est B qui a gagné. Entre cet avant-dernier état du jeu et ces derniers états du jeu, soit c'est le joueur A qui doit jouer, soit c'est le joueur B qui doit jouer. Mais admettons, c'est le joueur A qui doit jouer. On dit c'est le joueur A qui doit jouer. Eh bien, on regarde les derniers états des jeux, d'où on peut aller à partir de ce dernier avant-dernier état du jeu. Si, dans tous les cas, c'est le joueur B qui gagne, c'est-à-dire que le joueur A, en fait, à cette étape-là, il a déjà perdu. Donc on pourrait déjà dire que cet avant-dernier état du jeu, on peut déjà l'appeler B en disant c'est une victoire de B, parce que c'est même plus la peine de finir la partie. Quoi que joue A, c'est B qui va gagner. Si à l'inverse, il y a au moins... Ça, c'est pas forcément le cas, oui, voilà. Si à l'inverse, il y a au moins une façon de jouer pour A qui fait que c'est lui qui gagne, évidemment qu'il va choisir ça, il n'est pas crétin. Et donc, on va pouvoir étiqueter cette avant-dernière position A. Parce que c'est une victoire de A, parce que comme c'est à lui de jouer, il va choisir le truc qui le fait gagner. Donc, on peut remonter de la dernière étape qui est étiquetée A ou B en fonction de qui gagne, à l'avant-dernière étape. Parce que à l'avant-dernière étape, on sait déjà qui va gagner, en fait. Et puis, une fois qu'on a fait ça pour toutes les avant-dernières étapes, et on peut encore remonter d'un cran. Et après, on peut encore remonter d'un cran. Et à chaque fois, on étiquette A ou B en fonction de est-ce que c'est A qui va gagner ou est-ce que c'est B qui va gagner dans cette branche-là du jeu. Parce qu'on sait à chaque fois que s'il ne fait aucune erreur, il y en a un des deux qui est sûr de gagner. Et on remonte, et puis à force de remonter, on va arriver à l'état initial du jeu, et soit on va mettre un A, soit on va mettre un B. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que pour tous les jeux où les choix qu'on a à faire sont en nombre discret et fini, ouais, qu'on a un nombre fini de choix à faire, ouais, et forcément un des deux qui a gagné d'avance s'il joue ça. Parfaitement. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jeux à deux joueurs où rien n'est caché et où il n'y a pas de hasard, et en fait, c'est une partie de pile ou face. Ah ouais, ça met un sacré nombre de jeux là-dedans, quoi. Bah ouais. Tous les jeux que j'ai cités auparavant. D'accord, donc tu viens de flinguer toute une partie des jeux, je vois. Voilà, et c'est ça qui me fait assez plaisir. Alors évidemment... En plus, c'est quel que soit le nombre de choix qu'on peut faire, quoi, si on joue parfaitement. Ouais, on s'en fout. On s'en fout complètement. Très bien. Donc c'est... Voilà. Donc je vois le dessin de Pouillot qui résume très très bien la situation. Je commence le jeu, non c'est moi. Et alors en fait il faut faire gaffe d'ailleurs parce qu'il y a certains jeux évidemment où c'est le deuxième joueur qui est sûr de gagner, hein. C'est pas forcément toujours le premier. Donc là j'espère en avoir convaincu tout le monde. Et juste pour les spécialistes, ça du coup ça marche même pour les jeux asymétriques, on s'en fout, c'est juste il y a on un s'en fout complètement. Choix, ouais. Complètement. Alors incroyable. D'ailleurs, oui, les jeux asymétriques, j'avais prévu d'en dire un mot juste pour dire que ça pouvait exister. Les jeux asymétriques, effectivement, c'est par exemple, il y a un jeu historique du Moyen-Âge qui s'appelle le renard et les poules, où en fait, les deux joueurs n'ont pas le même but, le même objectif, et ils n'ont pas les mêmes moyens. C'est-à-dire que le joueur qui fait le renard, il a un seul pion, et le joueur qui fait les poules, par définition, il a les poules, il a 13 pions. Et donc, en fait, il y a un certain nombre de déplacements autorisés. Et le renard, le truc, c'est qu'il peut sauter par-dessus les pions qui représentent les moutons, ou les poules, pardon, j'ai dit les poules, et il les bouffe, comme aux dames, un peu. Et le but du renard, c'est donc de bouffer les moutons. Et le but des moutons, c'est de coincer le renard sur une case de façon à ce qu'il puisse pas sauter un mouton et qu'il puisse plus bouger. Et donc, ils n'ont pas le même but du jeu, les deux joueurs, là. Ils n'ont pas les mêmes moyens non plus. Mais il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de truc caché, donc ça tombe dans ce... sous ce théorème-là. Donc c'est clair qu'il y en a un des deux qui a une stratégie gagnante dès le début. Et en l'occurrence, c'est les moutons. Les poules, pardon. Voilà. Pour tous ces jeux-là, ça n'a aucun intérêt. Bon, évidemment, c'est vrai, mais ça n'est que théorique, puisqu'évidemment, c'est encore un résultat qui ne vous donne absolument aucune idée de comment il faut faire concrètement. Hein. C'est pas... Faut pas s'affoler là-dessus, quoi. Donc c'est... Mais par contre, voilà, on sait que théoriquement, ils n'ont absolument aucun intérêt. Il y a d'ailleurs une jolie nouvelle qui avait été écrite par Benoît Rito, pour ceux qui connaissent. Il avait écrit un recueil de nouvelles avec des contenus mathématiques... Enfin, on pouvait parler de mathématiques à propos des histoires. Et en fait, ça s'appelle, son recueil de nouvelles s'appelle L'Assassin des échecs. Où en fait, il y a une des nouvelles où il y a quelqu'un qui s'est fait tuer. Et en fait, c'est parce qu'il a trouvé justement cette fameuse stratégie gagnante aux échecs. Et donc, les échecs perdent complètement tout leur intérêt. Et donc, il y a un champion d'échecs qui l'assassine. T'as révélé la fin, c'est ça? Ouais, mais c'est juste une nouvelle et il y a d'autres nouvelles. Donc, on s'en fout. Vous pouvez quand même le regarder, ce bouquin, il est sympa. C'est bien foutu. Ouais, je suis désolé, j'ai réussi à le faire. Il flingue les jeux et les bouquins. On a le droit de faire quoi pour passer exactement son temps? Mais tu l'as lu ou pas? Ou quelqu'un te l'a raconté? Non, je l'ai lu celui-là. Ah bon? Mais j'étais jeune encore. J'avais encore du temps. Bon, et donc pour calmer un peu les gens qui disent oui, non, mais on ne trouvera jamais une stratégie pareille, etc., pour des vrais jeux, tout ça, quand même, pour la Wallée, c'est fait. Un ordinateur connaît la stratégie parfaite, il ne se fera jamais avoir. Pour les dames anglaises, parce que les dames, il y a plusieurs versions de règles du jeu. Il y a les polonaises, françaises, je sais pas quoi, machin. Pour les dames anglaises, c'est fait aussi. Et pour le puissance 4 aussi, c'est fait. Donc il y a un certain nombre de jeux comme ça pour lesquels c'est fait. Alors d'ailleurs, les résultats sont assez pourris. C'est-à-dire qu'en fait, pour la Wallée et pour les dames anglaises, le résultat, c'est qu'on aboutit toujours à des matchs nuls. Si les deux joueurs jouent parfaitement, c'est complètement décevant. Oui, carrément. Parce qu'en fait, évidemment, j'ai oublié de... Enfin, j'ai oublié volontairement, mais dans la description que je vous ai faite du truc où on remonte pour savoir si on étiquette A ou B en haut, j'ai pas parlé des jeux où il peut y avoir des matchs nuls. Et évidemment, quand il y a des matchs nuls, du coup, bah, y a des branches qu'on va étiqueter nuls, qu'on va pas étiqueter A ou B. Mais ça va être exactement la même logique sinon. C'est-à-dire que si un joueur a le choix entre nul ou la victoire de l'autre, il va choisir nul. Donc du coup, on va étiqueter l'état du jeu nul. Et en fait, pour les dames anglaises, on aboutit à un nul si les deux joueurs jouent parfaitement. Pour la Wallée aussi. Le puissance 4, c'est intéressant. C'est intéressant parce que il y a beau avoir des parties nulles possibles, toutes les personnes qui ont joué au puissance 4 sont au courant, il y a des parties nulles possibles. Et ben malgré tout, si le premier joueur joue dans la colonne du milieu, il a effectivement une stratégie gagnante. Et alors le plus beau dans l'histoire, c'est qu'il a une stratégie gagnante. Si le deuxième joueur ne fait aucune erreur, il a une stratégie gagnante qui le fait gagner en posant son dernier jeton. C'est-à-dire que la grille fait 42 cases, et ben la victoire, elle est au 41e jeton. Donc c'est quand même hyper serré, quoi. Et d'ailleurs, si le premier joueur ne commence pas dans la colonne du milieu, mais dans une des deux colonnes à côté, ça va aboutir à un nul. Et s'il commence dans les quatre autres colonnes, là, les colonnes du côté, c'est le deuxième joueur qui dispose d'une stratégie gagnante. Donc c'est très serré en fait. Voilà. Pour les échecs, le go, tout ça, c'est évidemment pas encore fait. Enfin, évidemment. Je dis évidemment comme si c'était évident. Les échecs, en fait, c'est un jeu qui a tellement... Il y a tellement de coups possibles à toutes les étapes que ça ferait exploser n'importe quel ordinateur encore actuellement. C'est beaucoup trop gros. Donc pour l'instant, les échecs, c'est trop gros. Le go aussi. Mais en revanche, on sait, depuis la victoire de Deep Blue sur Kasparov, et puis il y en a eu encore un autre récemment, qu'un ordinateur battra maintenant toujours un être humain. Et alors du coup, c'est intéressant d'ailleurs, parce que en fait, ça signifie qu'un ordinateur gagne toujours contre un être humain, mais pourtant, c'est pas du 100%. Et en fait, et c'est pas en étudiant toutes les possibilités, toutes les parties jusqu'au bout, etc. Ça, un ordinateur ne peut pas le faire encore. Et a priori, enfin, je me souviens plus, mais ce que j'avais lu, c'est laisser croire que c'était vraiment pas gagné avant un bon moment. Et en fait, du coup, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment il fait pour gagner malgré tout dans les faits à 100%. C'est-à-dire que théoriquement, il ne gagne pas à tous les coups, mais en pratique, c'est le cas. Et en fait, c'est parce que, en plus, en fait, l'ordinateur va faire un mélange d'exploration de l'arbre des jeux, donc d'aller calculer plein de coups à l'avance, de regarder toutes les positions que ça va donner. Donc ça, il peut le faire plus vite et plus loin qu'un être humain. Mais comme il ne peut pas aller jusqu'au bout de la partie, parce que c'est trop grand, il va en plus attribuer des valeurs aux pièces, il va attribuer des valeurs aux positions, et en plus il a en mémoire un grand nombre de parties jouées, de séries de coups joués, de séries de parties importantes jouées. Et donc en fait c'est en cumulant tout ça, et donc c'est en mettant un peu quelque chose qui est presque de l'humain, parce qu'on est obligé de mettre des parties qui ont été jouées par des êtres humains dans la mémoire de l'ordi, quoi. Donc c'est assez joli comme solution. Et donc en fait c'est comme ça qu'il s'en sort. Et évidemment, du coup, plus il joue, plus il va être bon. Plus le temps passe et plus il va être bon, même si on prend pas en compte les capacités de calcul. Et en plus, il y a les capacités de calcul. Donc c'est clair que dans les faits, un ordinateur vous battra tout, n'importe quel être humain aujourd'hui. Ça va toujours ? Ça va. On va plus beaucoup s'amuser, mais ça va. Ah mais je vous avais prévenu, hein, j'avais quand même annoncé que c'était quand même complètement tue l'amour, hein, comme façon de s'intéresser au jeu. Alors d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que on se rend compte que ce qui est vraiment important, c'est de savoir qui commence. Et ça reste vrai malgré tout, même pour des jeux dont on connaît pas la stratégie gagnante, ou même quand c'est un être humain qui joue face à un être humain. Et alors là, j'aimerais parler d'une solution qui a été trouvée pour un jeu, alors un jeu inventé par des mathématiciens, puisque encore une fois, les mathématiciens inventent des jeux qui sont pas forcément, que tout le monde n'aime pas forcément, auxquels tout le monde n'aime pas forcément jouer, mais que eux au moins trouvent intéressant à étudier. Et donc en fait, le jeu en question, c'est le jeu de Hex, qui a été inventé par deux mathématiciens indépendamment l'un de l'autre, et qui est un jeu relativement simple. Enfin, la règle du jeu est très très simple. En gros, il y a quatre bords au plateau, et il y a deux couleurs, les blancs et les noirs, et les blancs doivent relier entre deux bords, les deux bords blancs, et les noirs doivent relier entre les deux bords noirs, qui sont parallèles. Donc s'il y en a un qui arrive à relier ces deux bords, ça coupe le chemin à l'autre, ne peut plus passer. Donc on sait qu'il n'y a pas de partie nulle possible. Et ça s'appelle le jeu de Hex parce que ça joue sur des hexagones. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que donc il n'y a pas de partie nulle possible. On sait aussi démontrer, ça c'est très classe, que c'est le premier joueur qui a une stratégie gagnante, mais on sait pas, on la connaît pas. Alors comment on sait ça? C'est qu'en fait, on sait que donc en fait les joueurs remplissent des cases à tour de rôle avec leurs couleurs, et le but c'est d'avoir un chemin continu qui va de son bord à son bord. Et donc en fait on sait que c'est le premier joueur qui a une stratégie gagnante, et le raisonnement est complètement, c'est un bon raisonnement de matheux, ça donne absolument aucune idée de ce qu'il faut faire. En fait l'idée est de dire, si j'ai un pion qui est posé quelque part, enfin si j'ai une case qui est remplie de ma couleur, ça ne peut pas me désavantager. Ça ne peut pas me créer un handicap. Et donc à partir du moment où on a vu ça, si c'était le deuxième joueur qui avait une stratégie gagnante, le premier joueur joue n'importe où, c'est comme s'il sautait un tour, et après il applique la stratégie gagnante et donc il gagne. Donc ça ne peut pas être le deuxième joueur qui a une stratégie gagnante, donc c'est le premier. Mais on n'a absolument aucune idée de comment il faut faire. Voilà. Il y a plusieurs jeux comme ça. Donc il y a des générations de matheux qui se battent pour être le premier joueur sans même avoir envie de jouer à la suite. Tout va bien. Voilà. Donc il y a une variante du jeu de la tablette de chocolat, mais je ne veux pas vous en parler. Où c'est pareil, c'est le jeu de Chomp pour ceux que ça intéresse. C'est rigolo, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on démontre que c'est le premier joueur qui a une stratégie gagnante parce qu'en fait, il peut jouer un coup particulier qui fait que tout ce que fait le deuxième joueur après, le premier joueur aurait pu le faire. Donc du coup, c'est forcément le premier joueur qui a une stratégie gagnante, mais on n'a aucune idée de ce qu'il doit faire, c'est pareil. Alors le jeu de Hex, ce qui est sympa, c'est que ce que je voulais en parler, surtout pour parler d'une solution particulièrement élégante qui a été trouvée au problème de l'avantage de commencer. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a constaté au jeu de Hex, c'est que globalement, quand on commence à avoir l'habitude, quand on joue bien, si on commence par jouer sur la case centrale, on gagne. Ça donne un trop gros avantage. Et les cases centrales, d'une manière générale, donnent un très très gros avantage. Et donc en fait, ils ont trouvé un moyen de s'en sortir très très très très chouette, qui est de dire, le premier joueur joue ce qu'il veut, mais si le deuxième joueur trouve que c'est trop avantageux, il prend sa place. Donc globalement, si le premier joueur joue sur la case centrale, comme on sait que c'est un énorme avantage, le deuxième joueur va dire « Ok, je prends ta couleur, tu prends ma couleur, c'est à toi de jouer, mais tu joues en deuxième. Et je garde ton pion. » Et ça permet d'éviter le côté « On sait que c'est le premier joueur qui a une stratégie gagnante, on sait qu'il y a un premier coup qui est très avantageux, et ben du coup, on y gagne. » On pourrait le faire avec le morpion. Je veux dire, le morpion, on commence toujours par mettre sur la case centrale. On pourrait adapter ça au morpion en disant « Ok, on commence. Tu commences au milieu si tu veux, mais si tu commences au mais j'ai le droit, quel que soit ton premier coup, d'inverser, c'est toi qui prends les ronds et moi les croix au lieu du contraire. » C'est malin, ça. C'est assez malin. Je trouve que c'est très élégant comme solution. Et du coup, je trouve que c'est... Enfin, je sais pas, j'ai pas connaissance que ça existe sur d'autres, pour d'autres jeux, mais je trouve que c'est très joli. Voilà, donc je n'ai parlé que des jeux sans hasard, tout ça machin. J'avais prévu éventuellement d'aborder d'autres trucs, mais vu qu'il est déjà 9h30, je sais pas si... Je pourrais juste parler quand même, je raconte un truc très très beau. Je peux ? Ouais, là, bien sûr. On est en train de s'éclater à jouer à tous les jeux que tu as conseillés. D'accord. Donc, il y a le jeu, si vous voulez vraiment un jeu très marrant à tester, c'est le jeu de... Ça s'appelle le Sprout. C'est très classe. C'est le jeu des choux. C'est un jeu qui se joue juste avec un papier, un stylo, et c'est très marrant. Mais bon, je vais pas expliquer ce que c'est là. Et c'est un jeu qui a été inventé par des matheux, ça se voit, mais ça se voit immédiatement. Et en fait, ils s'en sortent pas eux-mêmes, c'est trop compliqué. Donc voilà. Oui, donc sinon, je voulais parler aussi de jeux avec du hasard. Alors évidemment, quand on a un peu de hasard et un peu de stratégie, tout ça, il y a des choses qu'on peut quand même raconter. Par exemple, donc là, je vous incite évidemment, j'avais dit que j'en reparlerais, à aller lire la note d'LJJ sur le Monopoly. C'est assez rigolo d'ailleurs. J'ai découvert grâce à lui, en regardant les trucs à la fin de l'article, les références, que il y avait un mémoire de master sur le sujet. Il y a quelqu'un qui a fait un mémoire de master sur l'étude du Monopoly. Donc c'est assez beau. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser sur le Monopoly en fait. Il y a une première chose, c'est que quand on joue au dé. Quand on lance les dés pour la première fois, il y a des cases sur lesquelles on a évidemment plus de chances de tomber que sur d'autres, puisqu'on joue avec 2 dés. Donc on va tomber déjà dans les 12 premières cases, et puis quand on joue avec 2 dés, on sait que 2, on a moins de chances de l'obtenir que 7, tout ça. Donc il y a des cases sur lesquelles on va avoir plus de chances de tomber. Mais comme après on va tourner en rond autour du plateau, le deuxième coup, pareil, il y a des cases sur lesquelles on a plus de chances d'être, les troisièmes aussi, etc., etc. Et en fait, le truc, c'est que si on joue suffisamment longtemps, si on était juste sur des cases comme ça, sans rien de particulier dessus, eh ben, les joueurs se retrouveraient avec une probabilité égale sur n'importe quelle case. On n'aurait pas plus de chances, à long terme, de tomber sur une case plutôt que sur une autre, donc dans une rue plutôt qu'une autre. Et en fait, le truc, c'est que ce qu'a remarqué le mec qui a fait son master et puis LJJ et tout ça, c'est que y a la case prison. Et la case prison, en fait, elle fausse tout. Parce qu'on peut tomber en case prison quand on est ailleurs. Et une fois qu'on est en case prison, du coup, on a plus de chances de tomber sur les cases qui sont juste après la case prison. Et donc, si on en croit LJJ, je lui laisse l'entière responsabilité de ce résultat-là, en fait, on a intérêt à acheter les rues qui se trouvent juste après la prison parce que les gens y tombent statistiquement plus souvent. Donc on peut même étudier le Monopoly et trouver des maths intéressantes à raconter sur le Monopoly, ce que je trouve quand même hyper classe. Incroyable. Et puis, ouais, c'est bien quand même. Non mais ça peut donner de l'intérêt à des jeux sans intérêt, c'est exactement, quand même ça, ouais. Cool quoi. Et donc, parce que le Monopoly quand même, c'est hyper chiant. Et donc voilà, et après on peut se poser d'autres questions du style les rues les moins chères, je peux les acheter plus vite mais elles me rapportent moins, les rues les plus chères, je peux les acheter moins vite mais elles me rapportent plus, quel est l'intérêt que j'ai à faire ça ou ça? Et alors ça, je renvoie encore à une note d'LJJ, je fais pub sur pub pour LJJ parce qu'il a déjà en gros fait tout ce qu'on peut faire là-dessus quoi, qui avait fait une étude sur un jeu qui ressemblait complètement à ça, qui est un jeu complètement, alors vraiment stupide, qui est le truc où il faut fabriquer le plus de cookies possible. Il va encore mettre le lien, je suis sûr. Et donc en fait, en gros, on peut choisir d'avoir soit une mamie qui fabrique des cookies, soit une usine qui fabrique des cookies, soit de fabriquer des cookies, à chaque clic on fabrique un cookie. Et donc en fait, chaque truc qui fabrique beaucoup de cookies, ça coûte plus d'argent. Donc c'est toujours le même choix de, est-ce que j'ai intérêt à attendre d'avoir de l'argent pour acheter un truc qui m'en va me fabriquer beaucoup, ou est-ce que j'ai intérêt à en fabriquer plein plein plein plein plein plein plein, parce que finalement, je vais pas dépenser mon argent à acheter un gros gros truc. Et je vais acheter des trucs qu'en fabrique moins, mais que je peux acheter plus souvent et donc en avoir plus. Et donc c'est là aussi, on peut faire des études purement mathématiques de en temps de temps, etc., raisonnablement, qu'est-ce qui va aller le plus vite. Donc voilà, donc on peut aussi trouver quelque chose d'intéressant à raconter là-dessus. On peut aussi raconter des choses intéressantes sur les jeux qui ne reposent que sur le hasard. Bon, je vais pas revenir sur le hasard du style pile ou face, tout ça, vous allez écouter le truc sur le hasard que j'ai fait il y a longtemps là. Mais bah, par exemple, sur le jeu des serpents et des échelles, là encore, tiens, je refais la pub d'LJ, j'avais pas prévu d'en parler, mais il a encore fait un truc où, en combien de coups, moyennement, le jeu des serpents et des échelles, je sais pas si tout le monde voit bien, mais en gros, c'est un jeu complètement stupide. On joue au dé, si on tombe sur une échelle, on monte sur une case qui est un peu plus loin sur le plateau, si on tombe sur un serpent, on descend sur une case qui était avant, et donc on n'est pas content. Mais juste, on joue au dé, on avance son pion, donc c'est complètement stupide. Et donc, il a fait une étude là-dessus. Et donc il a par exemple déterminé en combien de coups en moyenne on va terminer la partie, des choses comme ça. Enfin bon, c'est absolument sans intérêt, mais enfin le jeu a absolument aucun intérêt, mais c'est rigolo, on peut faire des maths intéressantes quand même dessus. Je vois Pascal qui parle du jeu de loi, on va tomber exactement sur le même genre de choses. Alors puisqu'on parle de jeu de hasard, je vais terminer quand même avec une très belle histoire et un jeu de hasard pur sur lequel a priori on peut se dire mais j'ai rien à raconter dessus. Eh ben si, les maths ont des trucs à raconter surtout, c'est le fameux jeu le plus intéressant du monde, pierre-feuille-ciseaux. Il y a plusieurs choses très intéressantes à raconter sur pierre-feuille-ciseaux. On l'attendait. Pardon, des vrais sujets. Alors, faut choisir quoi ? Alors justement, pierre-feuille-ciseaux, a priori, on est d'accord que, ben, vu que chacun, j'espère que tout le monde connaît, enfin je peux réexpliquer, mais donc on cache la main, on fait 1, 2, 3, on monte la main tous les deux en même temps, et si on a pierre et l'autre ciseau, la pierre casse les ciseaux, si on a ciseau et que l'autre a papier, le ciseau coupe le papier, et si on a papier et que l'autre a la pierre, on entoure la pierre et on a gagné. Je vois que Stéphanie anticipe déjà sur ce que je peux raconter entre autres dessus. L'idée c'est donc on fait 1, 2, 3 machin et on sait évidemment pas ce que l'autre va faire, donc bah, a priori il n'y a pas vraiment de stratégie quoi. C'est juste on tente sa chance et puis soit on gagne soit on perd. En fait c'est vrai, c'est pas vrai, c'est à dire que bah, on est des êtres humains, donc en fait on peut être assez rapidement prévisible, et donc il y a un truc assez rigolo, c'est qu'il y a des gens qui ont fait un programme qui est en ligne, et vous pouvez jouer contre le programme. C'est être humain contre ordinateur. Et en fait, l'ordinateur, tout ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de repérer votre façon de jouer. Il essaye d'apprendre comment les êtres humains jouent. Et donc, en fonction de ça, lui, il va essayer de jouer le coup qui a le plus de chances d'être gagnant à chaque coup. Et donc c'est très rigolo. Alors j'ai essayé. Alors il y a la version où vous jouez contre un ordinateur débutant qui a pas de mémoire et qui va apprendre petit à petit en même temps que vous jouez avec lui votre façon de jouer. Donc a priori au début, ben il fait un peu du hasard quoi. Et puis vous pouvez jouer contre l'ordinateur expert qui lui bénéficie déjà de l'expérience contre tous les joueurs qui ont déjà joué à ce truc depuis que ça existe. Et je crois que ça fait déjà beaucoup, malheureusement, ça m'inquiète sur l'humanité, mais j'ai joué moi-même donc je ne peux pas complètement. Et d'ailleurs j'ai gagné pour l'instant, j'en suis à 15 victoires et 7 défaites et 7 nuls, un truc comme ça, donc je suis très fier de moi. Donc voilà, donc on peut, disons, programmer, faire un algorithme qui permet d'avoir un avantage du fait que vous êtes un être humain et donc vous jouez de façon éventuellement un peu prévisible. Et d'ailleurs, en fait, finalement, la meilleure stratégie à ce jeu-là, ben, en fait, c'est d'avoir un dé à côté de soi, et puis on lance le dé. Si c'est 1 ou 2, on joue pierre. Si c'est 3 ou 4, on joue feuille. Si c'est 5 ou 6, on joue ciseaux. Et comme ça, au moins, on est absolument certain qu'on est imprévisible. Et donc finalement, la meilleure des stratégies, c'est juste de jouer avec du vrai hasard. C'est un peu nul là encore, mais a priori face à un ordinateur c'est ce que vous avez de mieux à faire, et donc vous allez terminer en gros avec autant de victoires que de défaites face à l'ordinateur normalement. Et même face à un être humain, finalement, ça peut être avantageux. C'est assez rigolo d'ailleurs, j'ai découvert aussi, ça m'affole complètement, il y a un tournoi international de pierre feuille ciseaux quand même. Ça existe. Tout existe. C'est très angoissant. Voilà. Alors, ce qu'il y a d'autre intéressant à raconter là-dessus, d'ailleurs, oui, c'est un truc que je peux raconter là-dessus, il y a exactement on peut tenir exactement le même raisonnement pour le bonto. Le bonto, dont je rappelle à ceux qui ne connaissent pas, mais ça existe encore partout, hein, dans la rue, il y a des mecs à la sauvette qui font ça. Vous avez 3 gobelets, il y a une pièce qui est cachée sous un des gobelets, et puis le type mélange les gobelets, monte la pièce, cache la pièce, monte la pièce, cache la pièce, et à la fin il vous dit c'est sous quel gobelet, et évidemment vous vous plantez parce qu'il est suffisamment doué pour envoyer la pièce vers le gobelet où vraiment justement vous êtes persuadé que la pièce n'est pas. Mais si vous jouez longtemps, vous allez vous dire « Ouais, mais maintenant j'ai compris, quand j'ai envie de montrer un gobelet, c'est que c'est pas celui-là, c'est l'autre, et donc je vais montrer l'autre. » Et donc, du coup, vous pouvez gagner. Sauf que le mec, il va anticiper que vous allez faire ça. Et donc, il va le laisser sous le gobelet où vous croyez que c'était là, etc. Donc, il y a de la psychologie qui rentre en jeu. Et donc, globalement, le mec en face, il est suffisamment malin, il va anticiper votre façon de réfléchir. Et donc, il va vous avoir plus souvent, quoi. Et donc, en fait, la seule façon de gagner, encore une fois, ce jeu-là, c'est d'y aller de façon complètement aléatoire. Parce que là, vous êtes imprévisible. Et d'ailleurs, apparemment, il y a quand même pas mal de gens qui font ça, qui sont au courant. Et quand ils vous voient sortir une pièce de monnaie ou un truc comme ça pour tirer au pile ou face, eh ben, ils refusent. Parce qu'ils savent qu'ils vont se faire avoir. Donc, c'est une vraie stratégie gagnante de dire bah, je joue avec du vrai hasard. Alors, sinon, sur le pierre-feuille-ciseau, donc, je voulais vous raconter encore deux trucs très intéressants. Il y a le fameux puits de merde. Tout le monde a joué avec le puits, qu'il ne faut pas rajouter le puits, c'est complètement pourri le puits. Le puits, si on rajoute le puits, ça déséquilibre complètement la partie, puisque on se retrouve avec un symbole, donc le puits, les ciseaux tombent dans le puits, la pierre tombe dans le puits, et juste la feuille qui couvre le puits. Mais donc du coup, le puits, il est trop fort, il perd contre la feuille seulement, mais il perd pas, et il gagne contre deux éléments. Et en fait, d'ailleurs, j'avais jamais réalisé avant de préparer ce dossier, mais la feuille aussi, du coup, se retrouve en position d'avantage, puisque la feuille, elle recouvre le puits et elle recouvre la pierre, et elle ne perd que contre les ciseaux. Et par contre, les ciseaux et la pierre, ils sont à voir par deux, et ils gagnent que contre un. Donc, clairement, ce jeu est complètement pourri, puisqu'on va avoir envie de plus choisir feuille et puits. Bon, cela dit, après, on peut encore faire de la psychologie et dire que, du coup, on va choisir les autres pour, etc. Mais enfin, il est plus équilibré, quoi, donc c'est nul. Et donc, en fait, la question serait, est-ce qu'il y a moyen de rendre ce jeu-là équitable ? On change les règles du jeu et on essaye de voir si on peut rendre le jeu équitable. Et en fait, on va se rendre compte très très vite que non, parce que s'il y a 4 symboles, chacun va être lié à 3 symboles, et si on veut que ce soit équilibré, bah, il faut qu'il y ait autant de victoires que de défaites pour chacun. Et avec 3, enfin, vu qu'il y a 3 adversaires, c'est impossible d'avoir autant de victoires que de défaites. Mmh. Ouais. Donc, ouais. En fait, si on fait pas de match nul entre deux symboles différents, on est sûr que dès qu'il y a 4 symboles, ou n'importe quel nombre pair de symboles, on ne peut pas jouer à ce jeu, c'est nul. Et donc il faut un nombre impair de symboles pour gagner, d'où toutes les versions qui ont été citées dans The Big Bang Theory, qui ont été citées dans la chatroom, il y en a même que je connaissais pas, il y a visiblement une version avec 25 symboles. Mais alors là, avant de comprendre la règle du jeu, t'es déjà mort. Pour t'en rappeler, c'est quand même... Voilà, donc je vais m'en tenir à la version de The Big Bang Theory où on rajoute le lézard et Spock. Et alors, je me souviens plus de qui gagne contre qui. Vous vous débrouillez, vous trouvez ça gentiment, si vous cherchez. Mais donc, en fait, on peut faire des jeux équilibrés pour peu qu'il y ait un nombre impair de symboles. Mais s'il y a un nombre pair de symboles, comme il y a un nombre impair d'adversaires, on est sûr que ce ne sera jamais équilibré. Voilà un résultat qui valait quand même le coup d'être cité. Et alors maintenant, quand même, pour parler de trucs qui ressemblent plus à la théorie des jeux, quand on parle de théorie des jeux, c'est plutôt de ça qu'on pense. On pense à des modélisations, on pense à des jeux qui représentent des choses dans la nature ou dans l'économie ou des choses comme ça. En fait, il se trouve que Pierre Feuille Ciseau, et ça c'est une histoire absolument splendide, modélise très bien quelque chose qu'on observe dans la nature. Alors ça, j'emprunte à Jean-Paul Delahaye, qui en parle dans un de ses bouquins. Et c'est une histoire de lézard, mais pas le lézard de Spock, tout ça. Hein. C'est une espèce de lézard qui vit en Californie. Et en fait, il y a 3 variétés de mâles dans la même espèce. Et en fait, il y a 3 variétés de mâles qui ont des gueules un peu différentes et qui ont des comportements différents. Alors, il y a le mâle à gorge orange. Alors lui, c'est le gros barbare, il bute tout le monde, il agrandit son territoire et il essaye d'avoir le plus de femelles dans son harem. Et voilà, donc c'est la grosse brute. Et donc lui, il se fait avoir par un lézard qui donc est le lézard à bande jaune. Le lézard à bande jaune, en fait, il est très fort, il arrive à se faire passer pour une femelle. Et donc du coup, il se glisse dans le harem du orange, hop, discretos, et du coup, il nique tout ce qui se présente, et donc du coup, évidemment, il a une descendance. Donc en fait, le orange face au jaune, le orange se fait avoir parce que le jaune va réussir à avoir beaucoup plus de descendance que le orange. Le orange est en train de s'occuper à défendre son territoire, et pendant ce temps, le jaune, il va voir toutes les femelles qui sont dans le harem, et il fait sa petite affaire, et il a beaucoup de descendance. Et là-dessus, il y a donc la troisième espèce de... Enfin, la troisième variété de mâle, qui est à gorge bleue, la variété à gorge bleue. Et alors lui, il est beaucoup moins... il est beaucoup moins agressif que l'orange. Il se contente d'un petit territoire, il se contente de peu de femelles, et il a un gros avantage par rapport à l'orange, c'est qu'il repère les jaunes. Et donc lui, il les chasse de son harem. Et donc du coup, le bleu, il se fait avoir par le orange, parce qu'il est moins agressif. Le orange, il se fait avoir par le jaune, parce que le jaune, il est discret, et le orange, il s'en rend pas compte. Et le jaune, il se fait avoir par le bleu, parce qu'il se fait repérer, il se fait chasser. Et donc en fait, quand on regarde comment se répartissent les populations de ces trois variétés de mâles, quand on regarde sur plusieurs générations, eh ben ça va être exact, on peut complètement le modéliser en remplissant un quadrillage avec des points aléatoirement de trois couleurs qui vont correspondre à pierre, feuille, ciseaux. Et puis on tire au sort deux cases voisines, on fait un combat entre les deux, et puis bah, la couleur qui a gagné, elle est dans les deux cases après. Et puis on recommence, on tire deux cases au hasard, on fait un combat entre les deux, et celui qui gagne, hop, c'est les deux cases sont de la même couleur après, etc. etc. Et bien ça, en fait, on voit apparaître des dynamiques de population. Donc en fait, il va y avoir tout d'un coup une couleur qui va être beaucoup plus présente, et puis après, finalement, il y en a une autre qui va prendre le dessus, et puis après, la troisième va prendre le dessus, etc. etc. Et donc ça tourne comme ça. En fait, la théorie prévoit qu'au bout d'un temps fini, on est sûr qu'il y a un seul des trois qui va rester. Alors ça, c'est assez simple de s'en rendre compte, en fait. À partir du moment où il n'y a plus que deux symboles, bah, il y en a un qui gagne contre l'autre. Donc c'est clair qu'il disparaît immédiatement. Il y en a un des deux qui disparaît immédiatement. Et en fait, donc il suffit qu'il y en ait un des deux qui disparaisse pour qu'il en reste plus qu'un à la fin. Et en fait, les trois quantités vont varier. Et à force de varier, il y a un moment où il y en a énormément, beaucoup moins de chaque couleur. Et il y a bien un moment où on est sûr qu'on va passer par zéro d'une des couleurs. Et donc à partir du moment où on arrive à zéro d'une des couleurs, pouf, il y en a une des deux autres qui va immédiatement emporter tout le territoire. Et donc, la théorie prévoit que à terme, au bout d'un temps de fini, il n'y aura plus qu'une seule des trois variétés. Mais le truc, c'est que la théorie dit aussi que ça va prendre énormément de temps. Et donc en fait, ce qu'on observe chez les lézards de Californie, bah, c'est exactement ce que prévoit la théorie, c'est-à-dire qu'il y a des petits îlots avec une des variétés qui est plus présente que les autres, ça tourne les uns autour des autres, et puis bah, quand on regarde suivant les générations, il y a une des variétés qui est beaucoup plus présente, et puis quelques temps plus tard c'est une autre, et puis quelques temps plus tard c'est une autre. Et donc c'est une belle modélisation du phénomène des lézards pierre-feuille-ciseaux, ce qui est quand même assez beau. Voilà, et donc j'ai absolument pas parlé du dilemme des prisonniers ou des machins comme ça. Si vous voulez en entendre parler, il y a David Xil qui en avait parlé dans son dossier compte-rendu GECO. Donc c'est un numéro déjà un peu ancien, c'est un hors-série. Donc je vous engage à aller l'écouter. Pour ceux qui connaissent pas et pour vous appâter, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi. Mais je vais quand même arrêter de parler parce que ça fait vraiment trop long. C'est juste l'idée de dire, on a deux... En fait, on raconte toujours avec les prisonniers, mais je trouve finalement que c'est pas plus mal d'en parler directement avec les animaux, où ça peut s'appliquer à ça. Vous prenez des lions, voilà, des grosses bestioles complètement débiles qui veulent juste se taper dessus pour avoir plus de femelles et plus de territoire. On va résumer les choses comme ça, hein. Pardon aux amis des lions. En gros, deux lions qui sont voisins, ils ont deux possibilités. Soit ils attaquent le voisin, ils vont avoir plus de territoire, et donc ils vont y gagner. Soit ils restent tranquilles chez eux, ils gardent leur territoire. Sauf que si les deux attaquent le voisin, eh ben, ils vont se castagner, ils vont pas gagner de territoire, et ils vont être plus fatigués après. Donc en fait, en gros, on a quatre situations possibles, trois situations possibles. Soit il y a un seul des deux lions qui est agressif, et donc il va prendre du territoire au voisin, qui va en avoir moins. Soit les deux lions sont agressifs, et donc ils vont juste se fatiguer, ils vont pas gagner de territoire, donc ils vont y perdre tous les deux. Soit il n'y a aucun des lions qui est agressif, et donc du coup ils sont tranquilles chacun dans son coin, et donc ils y gagnent pas, mais ils y perdent pas non plus. Et donc là on voit bien qu'il y a dilemme, c'est-à-dire que chacun individuellement a intérêt à être agressif avec l'autre, mais si les deux sont agressifs, ils y perdent. Donc voilà le genre de choses qu'on peut raconter en théorie des jeux et dont Xil a parlé. Je voulais vous raconter un truc là-dessus encore, pardon. Je peux encore, chef ? Non, mais tu prends le pouvoir, vas-y. Ouais. Je prends juste deux minutes pour raconter un truc très joli. Il y a une émission de télé stupide, américaine, où en fait, ils proposaient exactement ce genre de choses à la toute fin. En fait, c'est un jeu qui se jouait à deux, et donc pendant le jeu, les deux engrangeaient une somme. Ils jouaient ensemble, ils étaient une équipe soudée, machin et tout. Et à la toute fin, on leur propose justement exactement ce genre de dilemme. En gros, on leur dit, t'es sympa avec l'autre, t'es ami avec l'autre, ou t'es un gros connard. Donc, tu fais le choix en cachet et tu fais 1, 2, 3 et tu montres un peu comme pierre, feuille, ciseaux ou comme genre de truc. C'est juste que tu as deux choix. Soit tu dis ok, on partage la somme, soit je suis un connard, je prends tout le fric. Et c'est exactement comme les lions, c'est-à-dire que si les deux disent je suis un connard, je prends tout le fric, et ben il n'y a plus de fric. Et les deux repartent avec rien. Donc c'est génial, vous vous mettez à la place d'un des deux joueurs, vous vous dites, ben, soit je partage, si l'autre coopère, j'ai la moitié du fric, si l'autre me trahit, j'ai rien. Soit je trahis, si l'autre coopère, je prends tout le pognon, si l'autre trahit, j'ai rien. Et donc c'est très très compliqué de se sortir de ce genre de truc, parce qu'on est très tenté de trahir, et en même temps que c'est très dangereux, etc. Donc voilà. Et donc en fait, à la fin des émissions, il y a un petit moment, il y a une musique dramatique, machin, tout ça, et c'est très mis en scène, et donc on voit les deux qui sont en train de se faire des yeux de biche et tout, en train de se dire « mais non, mais jamais je ne te trahirai, mais non, mais vraiment, mais comment peux-tu imaginer une chose pareille ?» et tout. Ils se connaissent depuis le début de l'émission, hein, mais c'est pas grave, ils font les grands trémolos dans la voix et tout. « Non, non, mais t'inquiète pas, on va partager et tout », et puis évidemment le but c'est de que l'autre soit convaincu et puis soit même de trahir pour empocher tout le pognon. Donc c'est un truc vraiment dégueulasse, tout ça abject, et donc on voit des scènes absolument immondes avec des gens qui s'effondrent, qui pleurent et tout. Et il y a un jour un mec qui s'appelle Nick, et le bien nommé, il a niqué tout le jeu, il a fait un truc absolument génial. Il est arrivé à la fin de la partie et il a dit à l'autre avec un grand sourire, écoute, moi je vais choisir trahir, je te le dis dès le début, en fait je vais choisir trahir, donc si tu choisis coopérer, t'as rien, si tu choisis trahir, t'as rien. La seule chose que je peux te dire, c'est que si tu choisis coopérer, j'aurai donc l'argent. Et après l'émission, on se le partage. Mais de toute façon, moi, je prendrai trahir. Et alors, c'est génial, on voit le présentateur télé qui ne sait plus quoi dire. Il est tout perdu. C'est la première fois que ça lui arrive. Il dit, mais on est en train de foutre mon émission par terre. Qu'est-ce que c'est que ce connard ? C'est génial. Et donc, il est complètement paniqué, etc. T'as l'autre en face qui est là, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Tu vois qu'il essaye de réfléchir. Il y a le cerveau qui bouge tout doucement à l'intérieur. Mais il n'y arrive pas. Et l'autre, il lui dit, non, mais voilà, moi, je trahirai. Maintenant, tu fais ton choix. Hein. Je veux dire, voilà, de toute façon, t'as rien à perdre. T'auras de toute façon zéro. Si tu me fais confiance, on partage la somme à la fin. Et donc, le type, il se dit, j'ai rien à perdre, je coopère. Et évidemment que le Nick en question, en fait, coopère aussi. Et donc, il partage la somme. Et c'est quand même hyper classe comme stratégie pour bien foutre par terre le concept de l'émission. Voilà, donc là je termine avec un jeu qui s'applique à un jeu, tout ça qui est en lien avec la théorie des jeux. J'espère que ça vous ira. Voilà, donc j'aurai encore à peu près autant de temps à parler si je commençais à parler du dilemme des prisonniers, des machins comme ça, mais bon, on va s'arrêter là. Ok, un autre dossier. Bon, ben, ouais, je crois pourrait. Que tu peux faire le prochain dossier. Tu publies le dossier quand celui-là? Écoute, je scanne mon dossier, hein, je le prends. Ça va être une retranscription un petit peu particulière. Faut que je trouve le temps de tout retaper. J'ai tout écrit à la main, je suis vraiment désolé. Puis t'as déjà maté musique et puis le chaos, je crois. Ouais, la différence c'est que. Et les groupes, enfin bon, bref, peu importe. Ouais. Non, mais c'est grave, c'est grave. À la limite, on pourrait dire que je prépare plus aucun dossier avant d'avoir écrit tous ces dossiers-là. Hein. Oh, attends, on va pas se priver de ça quand même. Ok, merveilleux, merci beaucoup. On a quelques questions d'auditeurs quand même. Ouais. Ça rigole pas. Bon, d'abord, c'est plus une remarque de Stéphanie qui propose une cote, mais j'imagine que comme c'est une cote d'elle, on va la mettre en question. Hein. Le loto, c'est un impôt sur les statistiques. C'est une belle formule. Non, c'est la formule que je connais, c'est un impôt sur les gens qui connaissent pas les statistiques. Enfin, les probabilités, en l'occurrence. D'accord, tu viens de flinguer la cote de Stéphanie. En fait, c'est le nouveau jeu de flinguer les cotes après celle de la semaine dernière. C'est vrai. Après, j'avais dit que tu l'avais fait la semaine dernière. On a Jean-Philippe qui pose une question assez intéressante. Est-ce qu'il existe aussi des stratégies de l'échec pour trouver le moyen le plus rapide de perdre? Ah putain, c'est une bonne question. Je suis sûr qu'il y a déjà des gens pour réfléchir. C'est une super bonne question. Pousser le genre. D'une certaine manière, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Parce que c'est d'une certaine manière, tu joues à qui perd gagne, tu inverses les règles du jeu. Il y a évidemment. Par exemple, pour les allumettes d'ailleurs, c'est un truc très simple. Si le but est de prendre la dernière allumette. Le raisonnement est complètement le même et tu trouves. Donc c'est sûr que en fait c'est juste t'inverses le but du jeu, mais c'est sûr que c'est la même. Enfin, tu tombes sur la même théorie, bien sûr, ouais. Après, le plus vite possible, je sais pas. C'est des jeux déjà où tu peux perdre en temps limité, donc c'est pas les jeux qui sont dans la même catégorie. Enfin, quoi que si, les échecs et tout, ça peut le faire. J'ai une autre question. Je pense que c'est on sort un peu du domaine des maths, mais pourquoi pas. Tetris, il dit que c'est un jeu ingagnable comme 2048, c'est Johan qui pose la question. C'est quoi comme catégorie de jeu, ça, les jeux ingagnables? Ça veut dire quoi, ingagnable? C'est gagnable, en fait, Tetris, tu peux pas gagner. Non. En fait, tu peux que oui. Ça s'arrête quand tu perds. Tu meurs par épuisement et donc tu perds parce que le jeu continue sans toi. Et 2048, c'est pire encore. C'est que 2048, tu es certain de perdre. Même, c'est même pas au bout d'un certain temps quoi. C'est juste, il y a un nombre maximum que tu peux atteindre. Oui. D'ailleurs, Michael avait fait un truc vachement bien là-dessus. Non, alors je sais pas. Je sais juste que Tetris, sauf erreur, c'est un jeu NP complet. Ce qui est classe. Faudrait faire un dossier là-dessus. Gigi l'a dit aussi. Donc déjà, on va rappeler ce que c'est NP complet. Non, mais on va pas rappeler en deux minutes. Non, mais si, on va faire un dossier sur NP complet. En deux minutes, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des problèmes qui sont durs, qui sont très durs. Les NP complets sont des problèmes très durs. C'est-à-dire qu'on considère que c'est des temps qui sont trop longs pour être résolus par un ordinateur. Ouais. Mais par contre, quand on a une solution, c'est facile de la vérifier. Et NP complet, c'est un truc encore en plus, donc on n'arrivera pas à l'expliquer en deux minutes. Voilà, bah, c'était juste les remarques qu'on avait, mais c'était cool. On a appris comment perdre à plein de jeux. Ouais. Et surtout, on apprend que si on perd, c'est qu'on est un grenade, quoi. Ouais, c'est clair. C'est ça qui fait peur. Et que le premier joueur est la chose la plus importante. Du coup, on passe au pitch de la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, on a la chance de recevoir Nota Bene. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un peu dans notre grande fresque de recevoir des youtubeurs. Donc, il a une chaîne YouTube qui s'appelle la même chose, Nota Bene. En fait, Nota Bene, ce n'est pas son vrai nom, c'est plutôt le nom de sa chaîne. Et il a préparé pour l'occasion un dossier spécial Podcast Science sur l'histoire de la médecine. Donc, c'est une chaîne d'histoire, la chaîne de Nota Bene. Et alors, c'est un sujet qu'il a déjà abordé en parlant de vieux trucs de médecins et de l'histoire de l'accouchement. Et là, il va nous parler donc de l'histoire de la médecine, vaste sujet. On ne sait pas encore en détail de quoi il va nous parler. Mais en tout cas, on espère vous retrouver nombreux dans la chatroom pour l'entendre parler de ça. Ça s'annonce fortement passionnant, à la fois parce que l'histoire de la médecine est passionnante et puis parce que c'est un monsieur qui connaît plein de choses. Ouais, ça va être bien, je pense. Ouais. J'ai hâte de l'entendre. Tout à fait. Bon, entre-temps, on a quand même certains auditeurs qui ont bossé pour nous trouver une côte. Ça ne rigole pas. Surtout Moot. Merci, alors, Moot. On choisit laquelle ? La plus longue, la plus courte ? Je sais pas, on laisse Robin choisir ou qu'est-ce qu'on fait ? Tu fais le dictateur ? Ouais, je sais pas, Robin, t'as les notes sous les yeux ? Ouais, j'ai les notes sous les yeux. Attendez, je descends jusqu'au niveau de la citation. Donc moi, j'appelle ça une citation, hein. Ouais, mais alors, faut que je réfléchisse en direct. Vous avez pas un autre truc à raconter ? Non, mais sinon. Ah, mais c'est bien, Roald Dahl, de toute façon. L'oncle Oswald, de toute façon, il faut lire l'oncle Oswald. Donc, je vais citer celle-là parce que ça vient de l'oncle Oswald. Qui de Roald Dahl. Pour ceux qui connaissent pas, il faut lire ça. C'est extraordinaire. Bel accent anglais, vas-y, Robin. Ah, bah alors, mon accent anglais, vous allez pas être déçus. Life is more fun if you play games. Bon, il est pas pire que le mien. Hein. Donc, c'est Roald Dahl et ça veut dire la vie est plus amusante si vous jouez à des jeux. Ah, et j'aime beaucoup la citation d'Albert Nonim derrière. J'ai le droit à une deuxième ? Vas-y. Parce que c'est tellement vrai. Enfin, quand je vois les gens qui défilent au Palais des Couvertes, parfois il y a vraiment beaucoup de gens comme ça. Quand un homme dit d'un jeu qu'il est puéril et stupide, c'est que sa femme peut probablement le battre. J'avoue. Et son gamin aussi. Oui, surtout son gamin. Moi, quand j'étais au Palais, c'était les gamins qui agaçaient le plus les parents, quoi. Du coup, ça veut dire que le jeu est nul, quoi. C'est ça. Ok, super. Pas une envie spéciale de détruire la côte ? Ou les côtes ? Il l'a déjà fait. Oui, c'est vrai, celle de Stéphane. Du coup, on passe au plug ? Ouais, alors je vais m'en occuper. Enfin, je sais pas si Robin, tu veux en parler. C'est un plug d'une des premières actions de notre nouveau membre community manager. Alors oui, c'est moi qui en parle, puisque c'est moi le plus concerné, le plus au courant, évidemment. Donc, en tant que spécialiste, je me permets de vous faire une petite annonce. Le groupe Facebook de Podcast Science vous attend. C'est un espace dédié à toute la communauté du podcast, où ceux qui le font et ceux qui l'écoutent peuvent communiquer pour partager un coup de cœur scientifique, livres, vidéos, articles, news, poser des questions, annoncer des événements, discuter. Vous pouvez tous et toutes en devenir membres. Un grand merci à Frédéric Conrot pour avoir lancé l'initiative. Mais du coup, Robin, j'ai une question. On avait déjà une page Podcast Science sur Facebook. C'est quoi la différence ? Eh bien, je n'en sais absolument rien. Si, parce que j'ai lu, c'est pas vrai en plus. Je disais ça vraiment juste pour la blague parce que j'ai lu le message de Samuel, figure-toi. Et donc, je sais très bien pourquoi. C'est pas la même chose. C'est que la page Facebook de Podcast Science, c'est en gros Podcast Science qui l'alimente pour annoncer ce qu'il fait. Alors que cette page-là, c'est une page d'échange avec les auditeurs. C'était très bien expliqué dans le texte. Donc, grosso modo, c'est une page où plus peuvent se retrouver tous les gens qui écoutent ou pas le podcast, mais qui ont envie de parler de science et qui se retrouvent dans la communauté, un peu comme ce que faisait la page et ce que fait encore la page Google Plus, mais avec tout le power de Facebook. Exactement. Donc voilà. Merci à Samuel et puis on vous attend sur la page. Même Robin apparemment va nous rejoindre. 3615 Robin, ouais, sans doute. Ah, mais faut qu'on crée la page de 3615 Robin sur Facebook aussi. Ah ouais, obligé. Sinon, quelques petits plugs. Enfin, je sais même pas si c'est utile. Non, donc, c'est vous juste, le savez, cet épisode a été coproduit par le blog d'LJJ, Chou Romanesco, Vachkiri et Vachkuriling. Ah, bah, c'est clair que. LJJ, qui, rappelons-le, est membre de Podcast Science, même s'il le nie. Vous écoutez, écoutez les sources ici. Il ne le sait pas encore. N'écoutez pas lui. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que c'est quand même une bonne source, quoi. C'est ça le problème. C'est ça. Et voilà, je crois qu'il y a eu aussi dans la chatroom, il y a eu un lien vers un pierre feuille ciseau à 101. Ouais, j'adore. Éléments. Mais alors, faut être super souple des mains, quoi. C'est ça. Bah, écoutez, on va quand même remercier Pouillot qui nous a fait quelques illustrations pendant le live. Et toi aussi. Ouais, moi aussi, mais merci, je vais pas me remercier moi-même. Ouais, on le fait. Ouais, quelques illustrations, pas grand-chose. J'ai surtout mis en image certains propos un peu bizarres de Robin, du genre « On s'en fout que ce soit ludique, l'important c'est que ce soit intéressant. » Ce qui résume un peu la soirée. Mais en tout cas, moi j'ai un nouveau jeu à vous proposer là, pour la semaine prochaine, vu qu'on a vu qu'on avait plein de jeux hyper intéressants. Là, le jeu de la semaine, c'est de partager l'épisode et de parler de podcast science autour de vous, de diffuser la science. Oh, mais quelle transition! T'as vu ça un peu? Oh, mais quelle adaptation! Attends, on m'a dit d'adapter les conclusions. Oh, mais c'est extraordinaire! Et donc, vous pouvez jouer à ce jeu sur de multiples plateformes. Vous pouvez y jouer sur SoundCloud, sur Facebook, sur podcastscience.fm, notre site web, sur le nouveau groupe. C'est un groupe, c'est ça? Facebook, sur la page Google+, sur la page Facebook, enfin bref, sur à peu près tout l'internet mondial. N'hésitez pas non plus à nous envoyer des messages de manière étonnante ou sous une forme étonnante, ça nous manque, ça fait longtemps qu'on en a pas reçu. Que dire d'autre, voilà, bah, on la se retrouve. Stratégie gagnante, c'est d'en faire le plus possible. Donc vous pouvez jouer à ce jeu-là. Ce qui est sûr, c'est que nous, on sait déjà, vu qu'on a commencé avant vous, si nous ou vous avons gagné. Je vais arrêter là parce que je commence à dire n'importe quoi. Donc d'ici la semaine prochaine, on se retrouve la semaine prochaine avec Nota Bene pour parler de l'histoire de la médecine. Et d'ici là, bah, que servir la science soit votre joie.